Et bonsoir à tout le monde, bienvenue dans La Pochette. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un groupe gascon qui fait de la folk metal. Alors, je sais que quand je dis metal, ça fait peur à certains, mais ne vous inquiétez pas, c'est une espèce de mélange entre un Iron Maiden et un truc folk extrêmement joyeux. On va parler de Boisson Divine. Aujourd'hui, c'est un groupe gascon. Le chanteur est du Gers, le chanteur-compositeur est du Gers. Et après, le groupe est un peu réparti entre là-bas, il y en a dans les Landes, il y en a au Pays Basque, il y en a en Béarn, etc. C'est un groupe qui a composé pour l'instant 3 albums, à savoir Enradiat en 2013, Volentat, je ne sais pas, en 2016 et La Haya en 2020. C'est ce dernier album qu'on va écouter aujourd'hui. Une bonne dizaine de chansons, des chansons assez longues, sachant que sur certaines plateformes, dont YouTube, il y a en plus de ce CD, 5 chansons bonus que je vous laisserai découvrir par vous-même. Voilà, c'est un album, moi, qui m'a fait découvrir le groupe, qui est hyper bien dosé, hyper bien rythmé, que je vous invite à aller vivement réécouter. Écoutez les albums précédents, même si j'avoue que j'ai quand même une préférence pour celui-ci. Rajoutez que peut-être que si le groupe nous écoute, qu'ils n'hésitent pas à me dire quand ils passeront du côté du Pays Basque, qu'ils passent au studio, faire une petite interview, ça nous ferait de très très plaisir. Et voilà, je vais vous laisser avec donc La Haya, sortie en 2020. Vous pouvez suivre Boisson Divine sur Facebook, Instagram, etc. Ils sont en train de préparer pas mal de trucs, dont une espèce de projet spin-off black metal, folko, gascon, quelque chose comme ça. Le peu qu'ils ont laissé entendre a l'air assez sympa, un mélange des genres assez unique. Donc voilà, moi je vais vous laisser avec La Haya et je vous invite à découvrir les autres chansons qui sont sur YouTube, les 5 chansons bonus. Et voilà, salut à tout le monde et à la semaine prochaine pour une nouvelle boîte à gants. terre. Ganar. culano dire la siculano quan se via de gustat la ricche la triesa ente Yeah. A Maugradu temskem hara prega, a Maugradu priukemem portara, tu stimariu capsis juke nadare, desempresu at clauat pajame, tu stimariu capsis juke nadare, desempresu at clauat pajame, escarabea tu secet queiere, a bucă de noi ce vitejare, ne pas prudit tem stat cunda so che sei escuto mai na din cau cap canire udare cop cai mare au e lo capello me udare cop cai mare siula din laure udare cop cai mare au e lo capello me udare cop cai mare siula din laure. Am augadus omis chian desprembat, am augadus mestres chian empașat, tu stem parai, tu stem cheriuere.